Studec Web. Bienvenue sur Studec Web, merci de nous rejoindre, il est 15h. Studec Web, les infos. Le rendez-vous de l'actualité, Morgane Thomas. Bonjour Morgane. Bonjour Antonin et bonjour tout le monde. À la une de l'actualité, cet après-midi, la grogne qui continue de monter. Emmanuel Macron attendu au tournant tout au long de son marathon des commémorations. En déplacement à Charleville-Mézières, aujourd'hui, le président a de nouveau été interpellé au sujet de la hausse du prix des carburants. Je tiendrai bon, a-t-il réaffirmé, malgré la mobilisation citoyenne des Gilets jaunes prévue le 17 novembre prochain. Et décidément, Macron essuie les critiques, cette fois autour de l'hommage à Pétain, un grand homme, selon ses mots. De son côté, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, se dit choqué. C'est une mauvaise polémique pour le porte-parole du gouvernement. La cérémonie est donc maintenue ce samedi aux Invalides. Et dimanche, Poutine-Trump, la rencontre. Pas de lapin cette fois, les présidents russes et américains discuteront brièvement à Paris. Bilan, 6 morts retrouvés sous les décombres à Marseille, 48 heures après l'effondrement de 3 immeubles vétustes rue d'Aubagne, dans l'hypercentre. L'accès est désormais interdit dans plusieurs immeubles voisins par peur d'effets dominos. Enfants nés sans bras, les autorités sanitaires fustigées par les familles. Une première réunion publique s'est tenue hier à Guidel en Bretagne où 4 cas de malformations ont été répertoriés en 2 ans. L'enquête doit être approfondie. Un congrès divisé mais une immense victoire, a tweeté le président des États-Unis. Donald Trump tiendra une conférence de presse à 16h30, heure française, après les élections de mi-mandat. Pour rappel, les démocrates ont remporté la Chambre des représentants. Les républicains renforcent leur présence au Sénat. Jackpot pour Nicolas Mathieu. L'écrivain a reçu le prix Goncourt, la plus prestigieuse des récompenses littéraires de France, pour son livre « Les enfants après eux ». C'est aux éditions Actes Sud, un roman d'apprentissage sur l'adolescence. Jette un petit coup d'œil, Antonin, ça pourrait te servir. En sport, un partout entre Naples et le PSG. Petite pique aux supporters parisiens. Et puis ce soir, Lyon Offenheim et la Juve Manchester United. Les deux sont à 21h. La météo, Morgane, pas d'amélioration au programme. Et non, cet après-midi, le gris reste de mise et la pluie s'installe encore un peu plus près des Pyrénées, du Val-de-Saône à la région Rhône-Alpes. Les températures sont comprises entre 12 et 16 degrés et jusqu'à 19 proche de la Méditerranée. Dans la soirée, de la neige prévue sur les Alpes à partir de 1800 mètres d'altitude et des averses également de la Bourgogne à la Champagne. Demain, on attend du brouillard à Paris, on en reparlera. Voilà pour l'actu, je vous laisse avec l'équipe d'Antonin pour le Studec Borderline et amusez-vous bien. Merci Morgane, le prochain rendez-vous de l'info à 15h30. Studec Borderline, au bord de la culture, au bord de la connaissance, au bord de la connerie. 15h, 16h, c'est Borderline sur Studec Web. Merci de nous rejoindre sur Studec Web et bienvenue dans Studec Borderline, votre émission culture décalée. On sera ensemble une heure et avec autour de la table, pardon, pour vous accompagner Mona et Hugo. Bonjour. Hello. Bonjour Antonin, bonjour à tous. Voilà, un bon bonjour de la part d'Hugo. Mona, ça reste encore à désirer. Hein. Mona, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors je vais vous parler de l'expression beurette, d'où ça vient et pourquoi il ne faut pas l'utiliser. Et puis par la suite, je vous fais découvrir un artiste pop rock et pas popcorn. D'accord, pop rock, voilà. Oui, en effet, et pop-rock. Pas popcorn. Hugo, ton programme aujourd'hui? Écoute, on va parler sortie concert. On va s'informer un petit peu avec le saviez-vous également. Et puis bah, c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. C'est déjà pas mal. On aura quelques news pour vous quand l'alerte média va retentir. De la musique bien évidemment. Le sondage du jour où on parlera d'argent de poche. Et le jeu des poupées russes pour tenter de gagner un pack Studec Web. Mais je vous en parle dans quelques minutes. Et pour bien commencer, le rituel de la petite blague. C'est la fesse gauche qui dit à la fesse droite: tu trouves pas que ça pue un peu dans le couloir? Voilà. Attends, moi aussi j'en ai une. Ah. Monsieur et Madame Ster ont une fille. Comment elle s'appelle? Je sais pas. Mona? Monastère. D'accord, okay, merci. Okay. Je m'avais ça à ton niveau, tu vois. Génial. Le saviez-vous? Studec Web vous dit tout. Les Anglais n'auront jamais de président. La tomate est un fruit. Les dauphins sont des violeurs. Avec Studec Borderline, vous vous coucherez moins bête. Hugo, c'est toi qui es en charge de nous instruire aujourd'hui. Yes, absolument. Alors, le saviez-vous, Abraham Lincoln, qui fut le 16e président des États-Unis d'Amérique, avait pris une habitude assez originale lorsqu'il était au pouvoir. Il stockait tous ses documents importants à l'intérieur de quelque chose. Est-ce que vous avez une petite idée? À l'intérieur de quoi? Une partie de son corps? Mon chapeau, t'as dit, bah bravo, t'as direct trouvé. J'allais dire un indice, ça se porte sur la tête, bien joué. En fait, il est stocké à l'intérieur de son chapeau. Par contre, quand je vous parle de chapeau, je vous parle pas d'un vieux chapeau de paille qui pue le chien mort, comme le gars de la pub président. Je vous parle d'un vrai chapeau, un vrai chapeau de 25 cm de hauteur. Ah oui. Vraiment, donc c'est pas des conneries, vous voyez. Haute forme, monsieur. Ah non, exactement. C'est un, on appelle ça un stop pipe. On appelle ça un stop pipe, figure-toi. D'accord. Donc un chapeau qui peut mesurer, comme je disais, jusqu'à 25 cm de hauteur, c'est énorme. Si vous voulez avoir une petite idée, vous prenez votre règle que vous aviez du collège qui faisait 30 cm, vous la posez sur ma tête, et puis bah vous retirez 5 cm, et voilà, vous avez une idée de la taille que ça représente. Super utile, hein, mais bien sûr, mais c'est que des choses utiles dans Borderline. C'est vrai que dans la vie, on a que ça à faire, tu vois, de mesurer un chapeau. Surtout toi, Mona, effectivement. Ouais, alors, Antonin, je sais pas si t'es d'accord avec ce que je vais dire, mais moi, je suis sûr que si Mona, elle devait faire un truc dans le style, stocker des documents importants, elle ferait comme les baronnes, c'est dans les années 1800-1900, hop, allez, vas-y, je te fous ça dans mon soutif. Mais c'est évidemment, obligé. Mais c'est la base. Est-ce que tu le fais? Mais complètement, mais l'argent, tu le mets dans tes seins quand t'as pas envie. L'argent. Bien sûr, mais c'est normal. Sérieux? Mais non, mais c'est. Oui, derrière bien ton sûr. Téléphone, à la limite. Oui. Ouais, mais dans tes seins, Mona, c'est pas un peu exagéré. Ah ouais, non, c'est fort. Mais non, parce que ça tient bien en fait. Et tu sais très bien que ça va pas partir, non, parce que ça colle bien au soutien-gorge en fait. Bon, c'est vrai aussi. Enfin bref, passons. C'est pas. Oh, je sais pas. Oh, tu l'avais entendu, c'est pas une sirène. C'était pas mal, hein. Ah, c'était sympa, j'ai bien aimé. J'ai bien moi aimé. Aussi. En tout cas, voilà, écoute, merci bien, Hugo. Et dans quelques minutes, on lancera le sondage du jour sur Studek Web. Patrick Fiori et Soprano, c'est sûrement le son le moins probable de l'année. Et pourtant, c'est déjà un super tube. Ça s'appelle Chez nous, et c'est maintenant sur Studek Web. Chez Studek Web. Studek Web. Oh là là. Chez nous, de Patrick Fiori et Soprano sur Studek Web. Vous là-bas, vous irez là, bâtiment 23. Toi, tu fais quoi, la smala? Mettez-vous par là. Thierry, t'allais, toi, malien, vous serez voisin. Un jour, on s'est posé là. Vous, toi, la quoi, c'était toi. Pas de charabia. C'est provisoire, on verra. 30 ans qu'on est là. L'école en bas, le tabac. Deux boutiques ici. Et c'est là qu'on a grandi. On avait traversé les mers, on avait tout laissé derrière. Dieu que la vie nous semblait belle, on était chez nous au plan d'Arbel. On faisait le tour de la terre, à chaque étage solidaire. C'est ici qu'on poussait nos ailes, dans notre Babel. Soldats, le fou du 3, les fiestas, des gitans rivois. C'était tagine et pizza, doudou et guitare. Les portes ouvertes et l'espoir. C'était pas que foutu rap et tous les clichés. On rêvait c'est un viva, un job et voté. Les conneries, les faux bagarres. Le Marseillais Soprano et Patrick Fiori sur Studecweb avec chez nous le sondage du jour sur Studecweb. Hugo Mona, on va parler de l'argent de poche et plus précisément combien donnent les parents en moyenne aux enfants. Donc les enfants de 8 à 15 ans reçoivent environ 7,83€ par semaine en France. Est-ce que c'est suffisant selon vous ? Mona, je te laisse commencer. Alors moi déjà je trouve qu'on ne devrait même pas leur donner de l'argent entre 8 et 15 ans parce que les enfants font n'importe quoi avec l'argent. Moi je me rappelle quand on me donnait de l'argent, je t'achetais... des débilités monstrueuses quoi. Donc vraiment t'es juste en train de gaspiller de l'argent inutilement. C'est vrai que entre 8 et 15 ans t'as tendance à vouloir tester par exemple je sais pas les boissons énergisantes, enfin des conneries comme ça. Mais tu mais vois. Oui, oui, t'achètes n'importe c'est quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais faut savoir quand même qu'on est les plus radins en France. Hong Kong, c'est ceux qui donnent le plus avec 19,53€ par semaine. Ah ouais, nous dis-toi qu'en gros 7,83€ par semaine, ça revient environ à 30€ par mois. C'est vrai que c'est bon. Je trouve ça énorme. C'est raisonnable. C'est énorme. Moi je trouve ça trop. Après, je trouve que mes parents m'ont toujours dit il faut que t'aies de l'argent, du liquide sur toi si jamais il vient t'arriver ou quoi. C'est vrai. Donc moi je suis pas totalement contre non plus. Mona, est-ce que ça bouge un peu sur les réseaux sociaux ? On a lancé le sondage il y a à peu près une heure sur notre Instagram Studecweb. Ouais. Et du coup, on a 64%. Excusez-moi, alors trop, ça fait référence au fait que les gens, pour le coup, sont d'accord. Sont d'accord, C'est moi qui m'en mêle un peu les pinceaux. Voilà, et 36% non. Okay. D'accord. Et bah très bien, à vous de réagir sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram @studecweb. Vous nous envoyez un message privé avec votre réaction et votre numéro de téléphone. Tiens, ça sent bon dans la cuisine de Studecweb, hein. Le plat du jour a l'air alléchant. Et qu'est-ce que tu as cuisiné de bon, Hugo, aujourd'hui? Bah écoute, pas grand chose étant donné que je ne sais pas cuisiner. D'accord, par contre, si tu veux, je peux au moins donner la nouveauté spectacle. Ça, par contre, c'est dans mes cordes. Ah. Alors, plus sérieusement, on va parler de Gandhi Juna. Quoi, vous connaissez pas ce mec? Non. Sérieux? Non. Mais il est connu. Attends. Ah oui, oui, c'est normal. Écoutez, ça va aller très vite. Vous allez certainement reconnaître. Je me tire. Demande pas pourquoi je suis pas fait sans. Mais c'est Maître Gims. Bah oui, Maître Gims. Ou celui qui explose les records de ton rappeur préféré. Plus de 4 millions d'albums vendus au total. Wow. 480 000 ventes sur son dernier album de 40 sons, qui, je le rappelle, ça s'appelle Ceinture Noire. Mmh. Il va bientôt recevoir le disque de diamant qui équivaut à 500 000 ventes, ce qui est vraiment pas rien. Tu m'étonnes. De plus, il vient aussi dépasser les 100 millions de vues sur son clip La Même en featuring avec Vianney. Et ça, c'est pas rien en vrai. Donc voilà. En plus, la chanson est nommée au Energy Music Awards dans la catégorie chanson francophone de l'année. Donc on saura dès samedi soir si Maître Gims va remporter le prix ou non. Et on rappelle aussi que le titre La Même est déjà disque de diamant en France et disque de platine en Belgique. Ah oui. Il a annoncé aussi la semaine dernière la sortie de son propre manga intitulé Devil's Relic. Alors les reliques du diable traduit en bon français. C'est sorti dans les bacs aux éditions Fayard. C'est dispo dans toutes les librairies. Donc foncez si ça vous intéresse. Mais on est là pour parler concert, pas pour les lectures. Donc voilà, on va quand même passer au principal. Maître Gims va débuter sa tournée Fuego Tour dès samedi prochain, le samedi 17 en l'occurrence, et il va commencer par enflammer la salle du Millennium d'Épernay, et surtout il clôturera cette tournée le 28 septembre prochain à Paris, et pas n'importe où, puisqu'il va essayer de remplir le Stade de France. Niveau Beyoncé Jay-Z quoi. Absolument. Les places pour la tournée sont déjà mises en vente depuis quelques semaines, il passe vraiment partout en France avec près d'une quarantaine de dates. Voilà, donc moi j'avais une question, est-ce que vous comptiez aller voir un jour Maître Gims en concert? Pas forcément sur cette tournée, mais... Peut-être, oui. Ça peut être super intéressant, je trouve. Alors moi, dans la team Maître Gims, je suis plus Dadju. Ouais. Donc je paierai pour voir Dadju, je ne pense pas payer pour Maître Gims. C'est plus petit frère. Mais j'aime beaucoup Maître Gims aussi. Ouais. Non, mais le talent est familial, ça se dit. Je tiens à rappeler, Hugo, que jusqu'à très peu de temps, les 500 000, c'était pas disque de diamant, mais disque d'or. Disque d'or, voilà, absolument. Ça a changé, ouais. il y a très peu de temps. C'est tout récent, absolument. Donc voilà, en tout cas, merci Hugo. Et dans moins de 5 minutes, Mona nous expliquera l'étymologie du mot beurette. En attendant, on va aller faire un petit tour sur la plage Coco Caline avec Julien Doré. Coco Caline, sur Studecweb. Sur la plage sous l'eau marine, au désir des âmes. Merci de nous rejoindre sur Studek Web 15h16. Dans Studek Borderline, on vous en apprend tous les jours. Le mot beurette a une connotation un petit peu péjorative, et je vous jure que c'est vrai, parce que c'est Mona qui va nous expliquer pourquoi. Et oui, et le mot péjoratif, j'adore ce mot. Ouais. Et j'adore le mot polémique aussi, vous allez savoir pourquoi. Bon, avant les garçons, je veux savoir. Qu'est-ce que c'est pour vous une beurette? Quand je dis beurette, vous pensez à quoi? Chicha. Ouais. Chicha, musique très, comment dire, R&B, okay. Je sais pas pourquoi, R&B, ouais. Maquillage. Vous Des petites plaquettes de beurre de micelle. Ok, télé-réalité, tu m'avais dit tout à l'heure aussi. Et je rajouterai 95F. Oh. Ok, très bien. Bah voilà, alors, vous voulez la vraie définition de ce mot? Vas-y. C'est une femme d'origine maghrébine, point à la ligne. Une femme qui vient soit du Maroc, soit de l'Algérie, soit de la Tunisie. Voilà, c'est juste une femme qui est née dans ces pays-là, ou alors qu'il y a des parents originaires de ces trois pays. Mmh. Donc du coup, le mot beurette a été cassé à cause de Booba dans la chanson Génération Assassin. Écoutez. T'as l'air de kiffer, hein? Tu me mets ça, là, c'est bon, j'allais la chanter, là. C'est... Bah, en fait, c'est une référence aux femmes maghrébines qui ont des... mœurs légères, entre guillemets, donc des femmes qui ont une sexualité un peu plus libérée, d'accord, on va dire. Okay. Donc en fait, c'est une sous-catégorie, c'est un peu un cliché. Mm-hmm. C'est un peu ce qui dérange, je vais pas dire la France, mais qui dérange un peu toutes ces communautés, c'est du sexisme, clairement, parce qu'on parle des femmes, on parle jamais des hommes qui font la même chose. C'est vrai. C'est vraiment une catégorie, malheureusement, en fait, enferme toutes les femmes d'origine ou de confession musulmane et qui sont arabes et qui ne portent pas forcément le voile et donc du coup, qui boivent ou qui fument ou je sais pas, qui porte des vêtements un peu plus courts, ou qui couche avant le mariage, ou qui prononce cette phrase exceptionnelle, seul Dieu peut me juger. Ça c'est vraiment. Mais oui, mais ça je suis d'accord, c'est la phrase typique. C'est véritablement. Exactement. C'est un merci. Ouais. J'avoue. Bah dans la catégorie beurette, tu mets forcément la télé-réalité, tu mets des IM Nour, tu mets des Nabila du coup. Ouais, t'as l'air un peu blasé quand même, Mona. Tu dois te sentir insulté en permanence en fait. Bah. Franchement, quand vous me dites beurette, ça me dérange pas plus que ça en soi, parce que voilà, on rigole. Moi, je me sens pas vraiment rentrée dans cette catégorie-là, c'est mais je pense que toute façon. Toutes les rebeux musulmanes de base te diront, je ne rentre pas dans cette catégorie. Pour moi, j'en donne aucune catégorie, mais c'est comme quand je te dis beauf. C'est pour rire. Tu sais qu'il y a une partie vraie, mais tu sais qu'il y a une partie. Quand tu me dis beauf, mais pas du tout. Voilà. Mais j'aimerais quand même que les gens prennent conscience de la gravité de ce mot, parce que des fois, ça a vraiment une connotation limite raciste, pour pas faire de grosses polémiques ou très négatives. Donc voilà. Bon, donc et faites attention, les garçons, quand vous l'utilisez. Déjà, je te coupe, Hugo. Maintenant, la prochaine fois, tu me fais une chronique sur le mot beauf. Ok, merci. Pas de souci. Voilà, je vais juste te dire, promis, Mona, on va essayer, j'ai bien essayé de faire attention, mais à toi, arrête de casser l'ambiance et va nous faire un couscous. Oh le bâtard. On joue au jeu des poupées russes sur Studek Web. Si vous voulez tenter de gagner un pack Studek Web, je vous propose de jouer avec nous au jeu des poupées russes sur Studek Web, le jeu à double tranchant. Mona et Hugo, ils ont chacun un thème, et Hugo, aujourd'hui tu as choisi. Eh bah écoute, hommage à moi et ton petit qui voulait devenir acteur, j'ai choisi le cinéma. Ok, Mona, tu as choisi... pâtisserie, parce que comme on dit dans la street, je suis une forceuse du game, et voilà, du coup je reprends la pâtisserie. Voilà, bon. Vous allez devoir choisir un thème et nous donner un maximum de réponses à une question posée en rapport avec ce thème en 45 secondes. Pour participer, c'est simple, vous allez sur Facebook, sur la page Studek Web ou sur notre compte Instagram, @StudekWeb, vous nous envoyez un petit message privé avec votre nom, prénom et numéro de téléphone, on vous rappelle si vous êtes sélectionné. Réagissez aussi au sondage du jour posé tout à l'heure. Selon une étude, les enfants entre 8 et 15 ans touchent 7,83€ par semaine. Est-ce suffisant selon vous? Mona, sur les réseaux, rapidement. Alors, je te refais un petit tour. C'est à 73%. Oui, c'est beaucoup. Donc c'est les beaucoup. Gens sont d'accord avec moi. Les gens sont d'accord. Et dans moins de 2 minutes sur Studek Web. Le dernier son de Martin Garrix, ça s'appelle Dreamer et c'est sur Studek Web. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Studek Web. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous demandons de nous accorder votre attention. Merci de vous installer paisiblement dans vos sièges et de monter le son de votre radio. Pour passer un agréable voyage en notre compagnie, nous vous recommandons de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, Studek Web. En cas de dépressurisation des ondes, merci d'attraper votre ordinateur qui se trouve sous votre siège et suivez-nous en vidéo sur le site www.studioecoledefrance.com. Studek Web. Une radio DDI. Studek. Du qui. Studek Web. I'm a dreamer. Don't tell me not to dream. I got freedom. And that's everything to me. It don't matter. But I've got a way I go. I find shelter a million miles from home. It ain't easy to keep going when it's hard. Keep shining in the dark when you wanna fall apart. But I'm a dreamer, so don't tell me not to dream. I'm a believer, as long as I got something to believe. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. Cause I got somewhere to run. I just listen to the voices in my head when they tell me I always have something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long Dreamer, le dernier son de Martin Garrix sur Studek Web. Rappelez-vous le sondage, en moyenne en France, on donne 7,83€ par semaine aux enfants entre 8 et 15 ans. Est-ce que c'est assez selon vous ? Mona, Hugo, alors, Mona était partie pour nous dire on donne pas d'argent. Voilà, moi je pense pas qu'on devrait donner de l'argent aux enfants. Moi j'étais parti dans le sens où ça peut servir si jamais tu viens avoir un problème. Il faut avoir du liquide sur soi, c'est important. Voilà. C'est important si tu veux te payer un VTC. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de VTC, aujourd'hui c'est Olivier qui est avec nous et justement qui est VTC. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super, merci. Ça va, dis-moi, tu as quel âge Olivier ? J'ai 23 ans. 23 ans, donc tu es VTC, où ça ? À Paris. À Paris, bon ça va, ça se passe bien ? Bah ça va, ça va. C'est un peu chiant en ce moment avec l'essence, le prix, tout ça. Ouais. Ah, tu m'étonnes. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en ce moment ça va être un peu embêtant et ça roule en ce moment, là ça va, t'es garé j'espère, tu conduis pas hein ? Là, j'attends un client, là. Okay. Ah, d'accord, ouais. Super. Ouais. Priorité santé, santé et sécurité. Exactement. S'il te plaît, reste garé et attention au téléphone au volant. Bon alors, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que selon toi c'est suffisant ou pas assez avoir eu 7,83€ par semaine ? Non, moi je pense que c'est trop, beaucoup trop. Oh. Ah. Parce que moi quand j'étais enfant, j'avais pas du tout d'argent de poche, même par semaine en plus. D'accord. C'était à mon anniversaire. Ah d'accord, donc t'avais pas... Et est-ce que tu savais aussi que par exemple que 68% des 14-15 ans préfèrent avoir de l'argent plutôt qu'un cadeau de Noël, ça te paraît normal? 14-15 ans, ouais, c'est l'âge où on commence à avoir envie d'économiser pour s'acheter un gros cadeau soi-même. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Bon, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Olivier, tu reviens quand tu veux et encore un grand grand merci d'avoir merci participé. Passe une bonne journée et on espère que ton client va être super agréable. Bah j'espère aussi. L'alerte média qui vient de retentir. Alors, les news, j'en ai une pour vous là. Lors de son déplacement, il y a Emmanuel Macron qui a été interpellé par un retraité et qui a fait un retraité qui faisait voir son mécontentement par rapport à la hausse des prix du carburant, justement on en parlait. Et Emmanuel Macron assume la hausse des taxes, mais il a sorti une phrase digne de la poudre de perlimpinpin et qui risque de faire le tour de la toile une nouvelle fois. Écoutez. Je vais venir au carburant, mais le carburant c'est pas bibi. Le carburant c'est pas bibi. Voilà la nouvelle phrase fétiche d'Emmanuel Macron. Mona. Ok, alors moi c'est l'acteur Idriss Elba, qui est d'origine britannique, qui a été élu l'homme le plus sexy du monde. Mmh. Alors je sais pas si vous le visualisez, il a joué dans Thor, il a joué dans les Avengers, oui. Tu vois, c'est le grand black musclé, voilà, hyper viril quoi. Enfin, bref, passons. À toi Antonin. Alors du coup non, c'est moi qui ai pas la parole si tu me permets. Ah, bah, oui, c'est vrai. Surtout que j'ai une info super importante. Camille Combal va remplacer Jean-Pierre Foucault dans Qui veut gagner des millions, ça vient de tomber. On n'a pas encore trop d'infos, donc plus d'infos dans l'émission L'heure média de 16h à 17h sur Studek Web. Yeah. Ginette est une retraitée de 85 ans, tiens, mais comme plein de retraités, mais pas seulement, attention. Elle a participé au marathon de New York sur 52 000 participants et elle a fini en 6h et 19 minutes les 43 km dimanche dernier. Voilà, à 85 ans, c'est un exploit. Elle court 20 km tous les jours. Mona. Alors moi j'en ai une autre, j'ai la liste des premiers artistes qui vont performer au Super Bowl aux États-Unis. Ah ouais, déjà dis-moi, ce sera en février et c'est à Atlanta. Ouais. Du coup l'équipe du Super Bowl a décidé de faire un spécial rap US en fait, ouais. De faire un spécial culture hip-hop. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, il y a beaucoup de rappeurs qui viennent d'Atlanta. Exactement, ouais. Ludacris, le groupe Migos. Ah. Elle et John, exactement. C'est comme ça dans leur Et là, ils sont pour parler avec Maroon 5 et Cardi B, sauf que Cardi B demande un gros cachet. Hein. C'est évidemment. La queen, c'est la diva, elle au-dessus. Et Travis Scott aussi. Et Travis Scott. D'accord. Yeah. Nicolas Anelka, l'ancien attaquant des Bleus, va entraîner à temps partiel les jeunes du centre de formation du LOSC, ami du président Gérard Lopez. L'ancien attaquant français devrait bientôt entraîner à temps partiel les jeunes, comme je vous le disais. Il a une réelle envie de se lancer, mais il ne veut pas la lumière pour commencer chez les pros. Il va mener son expertise et son expérience de poste d'attaquant chez les jeunes attaquants du club, déclare Christophe Galtier, l'entraîneur actuel de l'équipe pro de Lille. Et ben voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Félicitations, merci. Dans quelques instants sur Studek Web, le retour de l'info. Il est encore temps aussi de vous inscrire pour jouer au Poupé Russe sur Studek Web via la page Facebook et le compte Instagram @StudekWeb pour gagner un pack. Studek Web, toujours trop beaucoup de Studek Web dans ces phrases. Encore. C'est dans un tout petit peu plus de 3 minutes. In My Mind, c'est de Dinero et il y aura aussi Notre Idylle de Jennifer. À l'ancienne un peu. À l'ancienne un peu, ouais. Jennifer, ça faisait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Ouais, Jennifer, c'est Star Academy, c'est tout le monde en France. Ah, en fait. C'est oui, ouais. Jennifer. La première édition de la Star Academy. La première édition. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. C'est vraiment pas loin. Quel âge c'était il y a 11 ans, il y a 12 ans, il y a 13 ans. Une petite quinzaine d'années. Hein. Je crois que c'est une petite. Quasiment 20 ans. Bientôt. Faudrait qu'on se renseigne là-dessus. Ouais. C'est début des années 2000, c'est sûr. 2001 de mémoire. On se renseigne juste après, on en reparle dans quelques instants sur Studek Web. À tout de suite. Ce soir, entre 17h et 18h, retrouvez Dove, Romain et Rémi pour le GPS. C'est reconnu, il faut écouter le Grand Prime Studek après une grosse journée de travail. Ils reviendront sur la carrière de Armand Van Helden dans la Vinyl Story. Ils parleront des prix littéraires attribués cette semaine. Vous pourrez aussi tenter de gagner un pack Studek Web et visiter les locaux de la radio en jouant au jeu de la marche arrière. La bonne humeur au rendez-vous, c'est ce soir, 17h, 18h, dans le GPS sur Studek Web. 15h30 sur Studek Web. Studek Web, les infos. Le flash, Johan Bredov. Bonjour Johan. Bonjour Antonin, bonjour à tous. Emmanuel Macron de nouveau dans la tourmente après des propos polémiques concernant l'hommage au maréchal Pétain prévu samedi aux Invalides. Le chef de l'État en déplacement à Charleville-Mézières pour son périple mémoriel en l'honneur de la Grande Guerre a jugé légitime de célébrer les maréchaux ayant, je cite, conduit l'armée à la victoire. Il a souligné que pendant la Première Guerre mondiale, Philippe Pétain avait été un grand soldat, tout en n'omettant pas ses choix funestes lors de la Seconde. Pétain avait mené le régime de Vichy, qui avait collaboré avec les nazis. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, dénonce une mauvaise polémique. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives, s'est dit choqué par les propos du président. Toujours lors de ce déplacement, Emmanuel Macron a été interpellé sur la hausse des prix du carburant. « Je sais qu'il y a des gens qui râlent », a-t-il déclaré, « je tiendrai bon », tout en appelant ses partisans à expliquer les choses, car sinon, on n'entend que les râleurs. Les membres du gouvernement étaient à Charleville-Mézières pour assister au Conseil des ministres déplacé exceptionnellement. À Marseille, un sixième corps a été découvert en fin de matinée sous les décombres des trois immeubles qui se sont effondrés lundi. Ce corps est celui d'un homme et ne pourrait pas être le dernier resté enseveli. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Les immeubles annexes ont été évacués par crainte d'un effet domino. Le procureur de Marseille, Xavier Tarabeux, tiendra un point presse à 17h. À l'international, direction les États-Unis et ses élections de mi-mandat, les midterms. Donald Trump s'est félicité de ce qu'il voit comme une victoire. En effet, les républicains ont conservé et même renforcé leur majorité au Sénat. Et bien qu'ils aient perdu le contrôle de la Chambre des représentants, la vague bleue démocrate n'a pas eu lieu. On peut également noter l'entrée au Congrès de la plus jeune élue de l'histoire, Alexandria Ocasio-Cortez, 29 ans. Celle également de Ilhan Omar et Rachida Tlaib, les deux premières élues musulmanes. Et le Colorado a élu le premier gouverneur ouvertement gay, Jared Polis. Culture maintenant, et Nicolas Mathieu remporte le prix Goncourt pour son roman « Leurs enfants après eux ». Le plus prestigieux des prix a récompensé un roman sur l'adolescence, un roman politique et social. Toujours dans les prix littéraires, le prix Renaudot a été attribué. C'est « Le sillon » de Valérie Manteau qui a été choisi. Ce livre évoque Rand Dink, journaliste et militant de la cause arménienne. Il avait été assassiné par un nationaliste turc. Météo maintenant, le temps sera maussade ce soir sur l'entièreté du pays. Les pluies persisteront sur le nord, sur le grand est et sur le sud. Les températures seront plus fraîches que ces deux derniers jours. Il fera 11 degrés à Paris, Strasbourg, 9 à Brest et 4, entre 14 et 15 autour de la Méditerranée. Le retour de Borderline et Antonin, c'est tout de suite sur StudecWeb. C'est Borderline sur StudecWeb. On joue ensemble dans un peu moins de 20 minutes au jeu des poupées russes sur StudecWeb. Je vous rappelle les règles. Vous choisissez un animateur à affronter sur un sujet et vous avez 45 secondes pour donner le plus de réponses possible. Hugo, quel est ton thème aujourd'hui? Moi, j'ai choisi le cinéma parce que je voulais faire acteur quand j'étais petit. Oh, c'est mignon. Voilà. Et ben moi, je choisis pâtisserie cette fois-ci, s'il vous plaît. Choisissez-moi. J'en ai marre que ce soit Hugo qui choisisse. Pour participer, on attend vos messages privés sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram @StudecWeb et on vous laisse le temps de vous inscrire avec Dinoro et Gigi. D'Agostino, In My Mind sur StudecWeb. This is what we're waiting for. In my mind, in my head, this is where we all come. Studec Web, on se pose 2 minutes dans son canapé, lumière tamisée, petite collation, on parle des sorties ciné de la semaine. Eh oui, et on commence sans plus attendre avec la toute nouvelle comédie dramatique signée Hervé Mimran, mettant à l'honneur Fabrice Luchini, Leila Bekti et Rebecca Marder. C'est l'histoire d'Alain, un homme d'affaires respecté qui ne cesse de courir après le temps jusqu'au jour où... Il y a 2 erreurs. On est en retard. Non, non, vous allez vous reposer. Je me reposerai quand je serai mort. Monsieur, eh oh, monsieur. Mon père a fait un AVC. Bah écoutez, c'est pas forcément grave. C'est la zone du langage et de la mémoire qui ont été touchées. Bon, rassure-toi, rien n'est sorti dans la presse. Oh, je te lèche. Faut que j'aille voir la psychopathe. Monsieur. Un T et un CK. Ok, frère. Je te cherche depuis 1 heure. Monsieur Gregg, mon père. Quand vous ne vous souvenez pas d'un mot, essayez par un autre moyen. Un cheval qui court, on dit qu'il... Salope. Presque. Le film s'appelle Un homme pressé. Mona, tu voulais me dire un truc? Ouais, je voulais dire quelque chose parce que là, en t'écoutant, je me suis rappelé d'une chose. Ils ont tourné le film dans un parc qui était juste à côté de chez moi et j'ai assisté à certaines scènes. Et elle était enceinte, Leila Bekti. Elle allait accoucher 2 semaines après. D'accord. Bah merci petite pour anecdote. Cette info. Sans et valeur oui. ajoutée, c'est pas grave. Victime d'un AVC, Alain se retrouve avec de profonds troubles de la parole et de la mémoire et sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. Et à force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun à sa manière va tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre. Je vais vous dire ce que j'en pense, c'est un bon divertissement qui est relativement sympa. Après, ça révolutionne pas le cinéma, mais bon, je vous le conseille parce que dans l'ensemble, il est plutôt marrant. On change totalement de décor, d'époque et d'ambiance. On quitte Paris en 2018 pour aller du côté de Châteauroux à la fin des années 50. C'est l'adaptation du roman de Christine Angot. C'est un film dramatique réalisé par Catherine Corsini, mettant en scène Virginie Efira, Nils Schneider ainsi que Camille Berthomier. Et c'est l'histoire de Rachel, modeste employée de bureau, qui rencontre Philippe, un brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais très brève naîtra une petite fille prénommée Chantal. Pour bien comprendre la suite, je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce. Il y a 3 sortes d'amour. L'amour conjugal, c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a ce que j'appelle... la rencontre inévitable. Tu veux te marier? Je sais pas, et toi? Moi, non. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Tu sais très bien que je ne t'épouserai pas, je te l'ai toujours dit. Évidemment, si t'avais été riche, ça aurait été différent. J'aimerais bien que tu reconnaisses Chantal. Je ne demande pas d'argent, ça m'intéresse pas. Je ne suis pas reconnaissante, Chantal. Je me suis mariée. J'élève ma fille seule depuis qu'elle est petite. Quand elle était petite, elle connaissait quasiment pas son père. Voilà, donc Rachel a donc élevé sa fille Chantal seule et après des années passées à essayer de convaincre Philippe de rencontrer sa fille, ce dernier finira par accepter. La chute du film fait vraiment froid dans le dos, je veux pas vous spoiler le film donc je ne dirai rien de plus, mais c'est une douche froide, vraiment. Donc voilà, une comédie dramatique et un film d'amour à retrouver dans vos salles de cinéma. La pop c'est bien, le rock c'est bien. La pop rock c'est bien mieux. L'instant pop rock sur Studekweb. Mona, ma libellule des îles orientales, tu as pris une décision de nous envoyer de la paix et de l'amour aujourd'hui? Bah oui, parce que j'en ai marre que vous me prenez pour une aigrie, les garçons. Du coup, je voulais vous dire que je vous aime, premièrement. Oh. Et je voulais partager des sonorités pop rock douces et pacifistes avec vous. Mais attends, tu voulais me dire quelque non, chose? Non, je veux juste te dire que t'étais trop mignonne. Oh, merci, c'est gentil. Bon. Et attention, première, Gwendal, notre Réa, qui regrette profondément nous avoir dit ta gueule il y a 2 jours, va nous jouer un petit air de guitare. On t'écoute. Allez, Gwendal. Oh. Donc, j'allais vous parler d'Atlas Genius, qui est un groupe constitué de 4 membres. Donc, 3 frères australiens, pardon, Kate, Stephen and Michael Jeffrey. J'adore parler anglais, j'adore faire genre d'avoir un accent, en fait. Bref, passons. Darren, qui est d'origine anglaise aussi. Donc, le groupe s'est créé en 2019. Et attention, hashtag anecdote chelou. Michael a fait un rêve où le groupe s'appelait Atlas Genius. Donc, il s'est dit, allez, boum, je réponds à l'appel du Saint-Esprit. On va l'appeler comme ça, le groupe. Donc, c'est stylé, tu vois. D'accord. Et ils se sont fait connaître via les réseaux sociaux en partageant avec les internautes différentes musiques, ce qu'ils faisaient, etc. Et la première musique qu'ils ont sortie, c'était celle-là, écoutez. Alors, c'est pas ma préférée. Hein. Là, ça fait un peu plus celle de cinéma Gaumont Pâté avant de lancer la pub, tu vois. Ouais, bon, du coup... Pour bon, un vrai groupe, ça c'est se renouveler, etc. Du coup, moi je préfère celle-là, personnellement. Et celle que je décide de vous partager aujourd'hui, c'est une petite pépite qui s'appelle Trojans, une musique qui fait chaud au cœur. Installez-vous confortablement sur votre chaise qui va se transformer en un petit nuage tout doué. Allez, écoutez. C'est parti, c'est mignon. Take it off. Take it in, take off all the thoughts of what we've been to. Le groupe s'appelle Atlas Genius et la musique c'était Trojans. Ah merci, on se sent vachement plus apaisé d'un coup. Ouais. Le prochain rendez-vous, merci Mona, c'est demain avec Hugo pour une nouvelle chronique musicale. Ouais. Dans un peu moins de 10 minutes, on va accueillir Adrien à notre table et il jouera au serment d'hypocrite avec nous. Chacun d'entre nous, on va lui raconter une anecdote et une seule est vraie, à lui de trouver. On jouera aussi ensemble dans 5 à 6 minutes au Poupée Russe sur Studek Web. Vous aurez 45 secondes pour nous donner un max de réponses sur un thème choisi. Les thèmes aujourd'hui sont pour Mona. Pâtisserie. Et pour Hugo? Le cinéma, Hugo. Voilà, un rêve d'enfant pour Hugo. Ça sera tout. C'est dans 5 à 6 minutes. Pour participer, on attend vos messages privés sur la page Facebook et le compte Instagram @studekweb avec votre numéro de téléphone. Et pour le retour de la musique, Jennifer, notre idylle sur Studekweb. Salut tout le monde, c'est Dove. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h. Jusqu'à 18h, moi et toute l'équipe du Grand Prime, on vous accompagne jusqu'à chez vous après le boulot. Romain va nous faire découvrir un artiste de house des années 90 et il y aura des cadeaux à gagner, un pack Today Web et la visite des locaux de la radio dans le jeu de la marche arrière. On vous attend ce soir dans le GPS de 17h à 18h sur Today Web. Réunis sur une seule radio. Studek Web. 100% nouveaux talents. Te souviens-tu de l'ivresse, de nos envolées soudaines? Reconnais-tu mon adresse, nos larmes au bord de la Seine? Allons voir ce qui reste de nos apnées sous les draps. Cachons-les. Notre idylle de Jennifer sur Studek Web, enfin c'est pas vraiment la nôtre, enfin vous m'avez compris. Ah là là. On joue au jeu des poupées russes sur Studek Web. Le jeu des poupées russes, c'est maintenant sur Sudekweb. Et avec nous au téléphone, c'est Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Salut Arthur. Oh bah, oui, bonjour. Bonjour. Merci Hugo. Voilà, tout le monde te dit bonjour. Un gros coucou. Bon, comment ça va Arthur? Ça va et vous? Bah écoute, nous ça va très bien. Mona, Hugo, ça va. Écoute, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Bon, tu as quel âge, dis-moi? Moi j'ai 28 ans. 28 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis professeur de sport. D'accord. Ah, oh, c'est bien. Et t'as pas cours là? Bah non, c'est mon jour de congé, donc c'est pour ça que je vous appelle. Ah, d'accord. Est-ce que tu fais partie des gens qui leur demandent de faire des tours de terrain sans courir? C'est ça. Ah, t'es un bon mon gars, t'es le meilleur. tu viens de où? Je viens de Nantes. Tu viens de Nantes? Ok, sympa Nantes, ça va. Bon, écoute, ça je va, te rappelle, que... bah, ça va. Il y a Nantes, des villes en France, mec juge, c'est pas ça très va, très ça va, Nantes, le mec arrêtez. Juge d'où vous venez, genre. Je te rappelle rapidement les règles, tu m'arrêtes si tu comprends pas, ok? D'accord. Alors, Mona et Hugo, ils ont chacun un thème. Hugo, le thème d'Hugo aujourd'hui, c'est... Le cinéma. C'est le cinéma pour Hugo et pour Mona. Pâtisserie. Le thème pâtisserie. Alors, tu choisis le thème et l'animateur qui correspond et tu auras 45 secondes pour répondre à la question. Choisis-moi, s'il va... te plaît. Oula. S'il te plaît, j'ai jamais joué. Mona, tu me coupes. Bon. Est-ce que là, tout va bien pour le moment? Oui, tout va bien. Okay. Choisis-moi. Mona, laisse-moi parler. Tu joues pour un pack Studek Web. Alors, qui est-ce que tu choisis? Alors, entre Hugo et Mona? Il faut savoir que mon péché mignon, c'est justement la pâtisserie. Donc, oh, je vais pas jouer. Elle est contente. Du coup, c'est Mona. Tu vas jouer avec Mona. Mona, quelle est ta question? Alors, ma question, c'est. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt cite-moi des ingrédients qu'on met dans les pâtisseries orientales. Donc, c'est pas. Orientales? Oui. 5 ingrédients qu'on peut mettre dans une pâtisserie orientale, voilà, c'est ça? Voilà. Exactement. Alors, je attention, t'écoute. 45 il t'en faut 5. 45 il t'en faut secondes, 5. Top chrono, maintenant. 5. Ok. Du miel? Oui. De la menthe? Oui. De l'huile? Oui. De la farine? Pas tout à fait. C'est pas un ingrédient phare. Allez, allez. Et il manque un. Il t'en manque deux. On fait du couscous avec. Du couscous, la semoule. Oui, allez, vas-y, semoule. Je te le valide. Encore, un dernier. Oula. Pense à des fruits. L'amande. Non, tu l'as dit. L'amande, oui. Félicitations. C'était chaud. C'était chaud. T'es vraiment bien joué. Bravo Arthur, c'est gagné. Tu repars avec un pack Studek Web. Merci encore d'avoir participé. Mais tu reviens quand tu veux, d'accord? Ah, c'est gentil, ouais. Ah, c'est super, merci bah, écoute, beaucoup. C'est normal. Et merci de m'avoir choisi. Ah, c'est bon, là, vous l'avez. Vous l'avez là, j'ai passé une bonne soirée. Vraiment, ah, c'est sûr, j'en doute pas. Ça fait une heureuse, Arthur. À bientôt. Salut Arthur. On rejouera demain au Poupées Russes sur Studek Web. Je vous demande de vous arrêter. Le serment d'Hippocrite sur Studek Web. Accusé, levez-vous. Mesdames et messieurs, la cour. Asseyez-vous, accusé Adrien. Les faits qui vous sont reprochés aujourd'hui, arrivés en retard pour la préparation de votre émission. Je plaide coupable. On vous a cherché pendant au moins une heure. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Bah écoutez, on vous voit quand même. Bah écoutez, ça va très très bien. Il est où le respect? Est-ce que vous connaissez le serment d'Hippocrite? Eh bien non, rappelez-moi un petit peu le principe. Alors on va vous raconter chacun notre tour entre avocat, défense et juré une anecdote, d'accord? Et sauf qu'il n'y en a qu'une seule qui est vraie, le reste c'est du mytho. À vous de trouver la bonne réponse, sinon bah un gage. Très bien. D'accord. Bah. Alors qui veut commencer, les enfants? Honneur aux femmes, non? Honneur aux femmes, encore une fois. Bah, oui. C'est toujours moi on qui est galant sur Studek Web. Allez. Alors écoute, j'ai une histoire de malade à te raconter, mais vraiment. J'étais en vacances au Bled, en Algérie. Dans une plage qui était un peu, on va dire, réservée aux familles musulmanes, donc aux femmes qui portaient le voile, etc. Et le moment de me changer, j'étais en train de me changer tranquillement derrière une serviette et il y avait du vent. Et je te laisse imaginer ce qui est arrivé. Je me suis retrouvée les fesses à l'air. Non, les fesses à l'air, j'avais un soutien-gorge, mais j'avais pas... Les fesses à l'air, oui, d'accord. Les fesses à l'air. Voilà. Ok. Voilà. Hugo. Bah écoute, alors moi, tu vois, pendant les cours de PS, tu vas dans les vestiaires pour te changer et tout ah ça. Bah tiens, ouais. Si tu nous écoutes, Arthur. Absolument, oui, voilà, dédicace à Arthur, absolument. Et bah en gros, moi, vu que j'étais un peu bête à l'époque, j'ai fait ce qu'on appelle un lance-flamme. Ça va pas changer des masses, hein. J'imagine que tu sais ce que c'est. Tu sais, c'est tu prends le déo, tu appuies dessus, puis avec un briquet, bah tu allumes et ça fait un lance-flamme. T'es pas si bête que ça, j'espère. Ah bah ça tu verras. Tu peux te tromper, hein, c'est possible. Mais tout ça pour te dire que du coup, bah j'ai pris un conseil de discipline et que j'ai été exclu pendant une semaine. Et attention, faites pas ça chez vous. Je vous rappelle que c'est quand même dangereux. C'est ultra dangereux. Ça peut vous exploser à la tête. C'est ne vrai. Faites surtout pas. À mon tour. Alors, écoute, lendemain de soirée, d'accord, fatigué, pas alcoolisé. J'étais pas positif à l'alcool et je vous rappelle aussi que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc je monte dans ma voiture, je mets la ceinture, je mets mon contact, je démarre, je passe la première, je cale. Là tout va bien. Je redémarre, je cale. Je redémarre, je cale. redémarre, je cale. Enfin, sentais la chute arriver, voilà, ou pas. 5 ou 6 fois. Et en fait, c'était juste que j'avais oublié de retirer mon frein à main. Voilà. Alors, c'est ça ton initiative. J'avais juste oublié de retirer. Bah, vraiment... Non, mais du coup, t'imagines un mec fatigué. Un mec fatigué le matin. Et 6 fois, il cale, tu vois, par un frein à main. C'était une super imitation de voiture. Merci. Tu veux que je la refasse encore une fois? Vas-y. Alors, à ton avis. On dirait un écureuil surtout, mais c'est pas grave. Drôle de bruit, ton écureuil. Alors, Adrien, à ton avis, qu'est-ce qu'il dirait? Alors, franchement, la plus probable, selon moi, ça reste la tienne, Antonin. La plus probable, c'est la mienne. Ouais. Est-ce que t'es sûr? Accusé, la sanction est irrévocable. Et bah dommage! Et bah oh. C'était voilà. Moi qui disais la vérité. Voilà. Oui, c'est Mona qui se retrouvait. Et depuis, je ne peux plus retourner en Algérie, voilà. J'ai plus mes papiers, on me les a retirés. C'est là, on c'est vrai. Et bah, non, oui, ouais. C'est vrai. Tu vois, du coup, je suis pas aussi con que j'en avais l'air quand même. Je l'ai pas fait l'audio. Oui, bah, heureusement, quoi. Ah bah. C'est grave, pas ça chez moi. Non, ne le faites pas, je rappelle, c'est vraiment dangereux, faut pas le faire. Donc, voilà, ne le faites pas, c'est très dangereux. Et l'abus d'alcool aussi, dangereuse pour la santé. Ça n'a rien à voir. Il y avait que moi qui faisais quelque chose de pas dangereux dans cette histoire, ou c'est comment là? Il y a que moi qui faisais quelque chose de pas dangereux. Il y a que toi qui c'était dangereux. Bon, en tout cas. Adrien, merci encore d'avoir participé. Bah, merci à toi. Et ta sanction sera la prochaine de lancer l'intro en vovotant. Pas tout de suite, tu as le temps. Tu te calmes. Ok, je me sur le pied de guerre là. Je me concentre. Voilà. En tout cas, merci pour votre émission, elle était super cool. Ah. Et j'adore vos anecdotes. Hein. Et bien, en tout cas, bah, écoute, y a pas de quoi. On se voit tout à l'heure pour les autographes. Tous les jours. Y a pas de soucis. Et en tout cas, demain, nous, on se retrouvera encore pour celui avec Borderline. Entre 15h et 16h, ça ne changera pas. De toute façon, si ça change un jour. Non, ça changera flemme. Pas. Non, flemme. Ça changera grosse pas. Flemme de changer. Ouais. Un nouveau sondage, l'expression favorite des New News. Ouais. Et une nouvelle chance aussi de gagner un pack Studek Web en jouant au jeu des Poupées Russes. Voilà, tout simplement. C'est Mona, je te laisse un dernier mot de fin. Un mot. Un mot. Alors, restez bien connectés puisque demain je vous parle. Un mot, j'avais dit. Camoulox. Hey Camoulox. Oui. Camoulox. Alors, c'est moi qui dois faire maintenant l'intro, c'est ça? Alors, c'est un peu con comme ça, mais c'est pas grave. Vous allez retrouver toute l'équipe avec Romain, Robin et moi-même pour leur média parce que c'est aussi vos médias. Va pas mieux. Alors, c'est compliqué. Avec The Pointer Sisters, un classique des clubs, ça s'appelle. Eh bien, ça s'appelle comment? Unsolicited. You. Le classique de The Pointer Sisters, I'm so excited, Studio Quibi, 16h.